Hey, va falloir que tu passes aux aveux, hein. Enfoiré, enfoiré. Avoue. Avoue que tu te sens trop perdu dans ta vie. Avoue qu'aime trop la nôtre. Avoue que t'as pas la vie nécessaire pour avancer dans ma grotte. Avoue que t'as déposé ton préavis. T'arrêtes pas de bouger le parabole. Tu tapes ta fille dans ta bouteille, tu te retrouves vite. Avoue que tu flirtes qu'avec des putes. Avoue que t'as jamais eu la cote. Avoue qu'aime trop le portefeuille et la petite salope. Avoue que tu chantes faux et personne a voulu te le dire. Avoue que t'es dans la poudre et qu'elle t'a trahi. Tu vois ce que je veux dire. Avoue que t'es jeune, c'est pendant l'acte que tu retrouves ton âge. Avoue que ta chambre est encore chez ta mère. T'as vu ton âge. Avoue que ta femme a trop de dossiers. T'es pas le premier de la page. Avoue que t'as beau bosser, t'as pas la force, t'as pas ma carapace. Avoue que tu te sens seul et que tu connais que les baraputes. Avoue que tu parles, mais tout le monde connaît ta flûte. Avoue que ta fille fait rentrer ses lobes en taillant des pipes. Avoue que t'as trop la truc, quand dans ton cul tu sens ma carabine. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Tu nous baises en beauté, tu souris quand tu parles de Bagdad. Avoue que t'aimes bien leur thé, mais pas leur tête, on passe à table. Avoue que t'étais au courant de l'innocence de Maradad. Avoue que tu fais les tournants, tellement y'a des putes dans ta brigade. Avoue que ton père est un raciste et que tu veux pas l'admettre. Avoue que t'as beau effacer toutes les pistes, on sera là pour te la mettre. Avoue que t'as chiche que quand tu te balades avec ton chien. Avoue que t'es chic grâce à ton pigeon qui t'entretient. Avoue que tes scènes puent la merde face à Nord qui sème la sienne. C'est la même qui t'assomme, avoue que tu les renseignes. Avoue que tes dettes craignent, avoue que j'ai trop la dégaine. Avoue que tous mes zincs foutent la fou, c'est tous des Ben Laden. Avoue que tu baises la bonne et que tu trabaisses ta honte. Avoue que ta mère travaille au bois de Boulogne, putain la honte. Avoue que tes os sur la peau font des cabosses. Avoue que ton rap est un carrosse face à ma putain de Rolls. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Avoue que t'es du dingue d'elle et qu'elle t'a mis à l'amende. Dans un gangbang, elle a fait sa chienne. Avoue que t'es trop bête, rien que tu lui bouffais le bec. Pendant que tu tapais la sec, rien qu'à la vallée. Avoue que tu chômes et que toute la journée tu changes de chaîne. Avoue que t'as chaud mais t'as pas d'oseille, t'as pas la scène. Avoue que t'achètes, t'achètes et rien que tu revends. Avoue que j'ai trouvé ta cachette, trop les nerfs et je te revends. Avoue que tu fais le tapin du lundi au vendredi. Avoue que t'es la salope du patron et que tu vis sous les crédits. Avoue que j'ai tout ouvert et que j'ai pas encore ton âge, frère. Venez me faire taire, j'avoue que je vous mets sous terre. Avoue que ça date, ça date. Il fallait bien que j'attaque. Avoue que j'abatte, j'abatte. Attendez-vous que ça pète. J'avoue que je cherche pas. J'ai déjà trouvé mon éthique. J'lève le bras pour mes gars et les miss de ton équipe. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout. Arrête la frime, mon gars, passe aux aveux. Devant les chemises, trop de gars, passe aux aveux. On veut que t'avoues tout, t'as voulu jouer les fous. Joue-nous là jusqu'au bout, méfie-toi d'or et c'est tout.